إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأهل بيته الكرام وأزواجه النجباء وأصحابه كلهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك. عباد الله معشر الصالحين والصالحات، حديثي إليكم حول حرمة المساجد. ومع قول الله جل وعلا في محكم تنزيله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا بغير حساب. معشر الصالحين، هذه هي بيوت الله. الله سبحانه عز وجل هو نور السماوات والأرض، نوره ومن نوره الهدى والعلم الذي جعله في قلب المؤمنين الصالحين. في نوع الصالحين، في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت الله عز وجل. يكفيها فخرا، كفاها فخرا بأن الله نسبها إلى نفسه وقال فيها الحق سبحانه عز وجل أنها بيوته هو سبحانه، بيوت الله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي نعيم في الحلية، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وروى إمامنا مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. الصالحات. لو نوقف الكلام ونتأمل في هذه الجملة أن المسجد هو بيت الله، ما يعني هذا؟ يغني عن كثير الكلام. إذا أنا كنت ضيف عندي في بيتي فلا أتصرف إلا وفق ما يعني تحب أنت. ففي بيوت الله كذلك، الله عز وجل يجعل لنا بروتوكول حتى لا تكون في بيت الله عز وجل وأنت ساهي قاتل. منين كيبدا البروتوكول؟ كيبدا من بيت ديالك. من توضأ فأحسن الوضوء، توضأ مزيان وتكون نيتك فقط تأتي إلى بيت الله لأجل الصلاة، لأجل ذكر الله. أنت بدأت في ذات الصلاة، راك في بيت الله وأنت في صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت جاي إلى بيت الله عز وجل قلبك يجب السكينة وأنت تذكر الله عز وجل. ولو أن الصلاة سمعت إقامة الصلاة إياك تجري المسجد. كان تجري المسجد، لا تسعى. أجب شوية عليك وعليك السكينة. فما صليت فما أدركت مع الإمام فصلي، وما فاتك فأتم، وفي رواية فقدي. إذا وصلت إلى باب المسجد علمك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تقف هنيها وتدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الكلام ليس كلام عبث، اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. كم المسلمين والمسلمات يدخلون المسجد يقولوا هذا الكلام؟ كم من رحمات نسأل الله عز وجل باش تكون في هذا المكان الطاهر. فلهذا مسؤوليتنا كلنا، كنا أئمة أو مأمومين، كنا مسؤولين أو يعني من عامة الناس، أن نحرص بأن المساجد في مكان للرحمة، مكان للطيبوبة، مكان للكلام الطيب، مكان للأخلاق الفاضلة. هذه حرمة المسجد أيها الإخوة. ولم تنتهي، قلت بيت الله لا صلي ركعتين قبل ما تجلس. علاش هادشي؟ حتى ما تغلب عليك العادة وتولي جاي المسجد كأنك ماشي بسوق. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يركز على النية. إياك، علاش ماشي المسجد؟ لماذا المسجد؟ مش مكان لقاء الأصدقاء، هذا بيت الله سبحانه وتعالى. صلي ركعتين تحية للمسجد. وحين تخرج كذلك تخرج بالرجل اليسرى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسوله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. خرج من المسجد فكن من الناشطين في الحياة ليس من الكسالى، وابتغ من فضل الله، ابتغ فيما آتاك الله دار الدنيا دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. الشيخ كاع الشيخ سار سو سيرمون لو تيت دو سو سيرمون سي la mosquée et la maison d'Allah sacrée. Donc on va parler des mosquées. Ces versets que je viens de lire, Allah Azza wa Jalla commence par dire Allah nuru as-samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La sourate s'appelle sourate de lumière. Et ces versets, ils parlent de cette lumière. Ils donnent l'exemple de cette lumière et la détaillent. Je ne vais pas les détailler parce que ce n'est pas le sujet, mais les exégèses nous disent que cette lumière de Allah, de cette lumière, il y a cette lumière dans le cœur du croyant. La lumière de la foi, de la guidance, de l'amour d'Allah que tu as dans ton cœur, c'est de cette lumière. Où on va trouver ces gens, ces hommes et ces femmes avec cette lumière? Fi buyutin adhina Allah. Un prophète. Dans des maisons où Allah t'y a ordonné. Il s'élève et qu'on y mentionne son nom. Donc les mosquées, c'est les maisons de l'Allah. Et si on s'arrête là, on arrête le discours là, je suis pas en temps de réflexion, et on médite sur cette parole. La mosquée, c'est les maisons d'Allah, ça suffit. On comprend tout. Ça veut dire ce qui nous impose, c'est respect et cette bienséance à l'intérieur de la mosquée. Mais le prophète Sansou nous l'a détaillé quand même. Il nous l'est détaillé parce que c'est très important. Premièrement, si la mosquée c'est la maison de Allah, imagine-toi, tu es invité chez quelqu'un. Est-ce que tu vas dans le frigidaire, tu loupes, tu vas aux toilettes comme tu veux, ou bien tu restes debout, quand tu es poli, tu restes debout et tu attends la personne qui t'a invité de te dire où il faut s'asseoir. Et si tu as besoin de quelque chose, tu vas te demander. Et bien sachez que dans la maison de Allah aussi, il y a un protocole. Et ce protocole, il commence chez toi à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, dans le Mu'tah Imam Malik, celui qui se purifie correctement, qui fait les ablutions correctement, bien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire un seul wudu? Pour que notre adoration, nos ablutions, nos prières ne soient pas quelque chose de routine. La personne elle a fait les ablutions, c'est même pas ce qu'elle a fait. C'est pour cela qu'une des conditions, une des choses fondamentales dans l'adoration pour nous, c'est l'intention, c'est le niyyah. Puis après, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui avec la seule intention, c'est la prière. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière, il a déjà commencé. Que tu fais les ablutions chez toi, qu'au moment que tu as commencé les ablutions, tu es déjà en prière. Puis après, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu viens à la mosquée, chaque pas, Allah t'efface un péché, et l'autre pas, Allah t'élève d'un degré, jusqu'à ce que tu arrives à la mosquée. Arrive à la mosquée, tu dis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si tu entends, et Muhammad sallallahu que la prière a déjà commencé, fais attention, ne cours jamais à la mosquée. On ne court pas pour venir à la mosquée. Comme il est professeur dans un autre hadith authentique, donné avec la sakina, avec la sérénité, avec la quiétude, tu es déjà en prière. Puis après tu rentres, tu dis takbir al-ihram, ça c'est la clé, et tu l'as dit debout. Après tu suis l'imam, puis après tu, quand l'imam il finit sa prière, ce qui te manque, tu le combles. C'est pas que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, devant la mosquée, tu vas t'arrêter un petit moment. Et tu vas avancer le pied droit. Tu rentres pas comme tu veux. C'est un protocole. Et tu dis, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaba rahmatik. Tous les musulmans de ce jour, est-ce qu'on médite sur ce droit, sur le sens? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? À l'intérieur de la mosquée, ya Allah, ouvre-nous les portes de ta miséricorde. C'est une responsabilité que dans la mosquée. Que tu sois un saint fidèle, que tu sois un responsable, que tu sois un imam, de veiller pour que l'enceinte de la mosquée soit un endroit de miséricorde, de bonté, de gentillesse. C'est ça l'intérieur de la mosquée, c'est ça la rahma qu'on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il règne à l'intérieur de la mosquée. Puis après, pas que ça, il te dit avant de t'asseoir, fais de la grâce aussi avant de t'asseoir. Tout ça est écrit pour que nous dire que je ne suis pas dans un endroit comme un autre. Pour que la mosquée ne devienne pas pour nous un endroit où on rencontre les potes, on rencontre les copains, on oublie le sens et on commence dans la mosquée à faire des fois des péchés énormes. Les défauts de l'âme, les problèmes des cœurs, les jalousies. La mosquée à l'Ikhwani, c'est un endroit où on peut gagner beaucoup. Mais aussi on peut la personne perdre beaucoup. Mes chers frères, mes chères sœurs, معشر الصالحين والصالحات الجمعة ودائما نكرر هذا الكلام وقتها ضيق للإحاطة بموضوع البدعة ولكن نستعين بالله عز وجل ونقول من بين الأمور إخواني من الله سبحانه عز وجل كذلك جعلها خاصة بالمسجد قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد هو بيت الله عز وجل لا يجوز أن الناس يقول هذا مسجد مراد الجزائري الأتراك إلى آخره، لا، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولكن هل معنى هذا أن المساجد فوضى؟ لا، لابد من مساجد ناس يحرصون عليها، ناس يتكلفون بها ويحرصوا على يعني الهدوء والسكينة فيها، كيفما كان جنسيتهم كيف كان لونهم هذا الناس اختارهم الله عز وجل والله لو نعلم ما هم فيه لأشفقنا عليهم ولدعونا لهم هم مطالبون باش يتقوا الله سبحانه عز وجل فيها ونحن مطالبون باش نتعاونوا معهم باش نحبوهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلهذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أجل حرمة المسجد منع علينا كثير من الأمور، منع علينا البيع والشراء، منع عليك حتى إذا ضعت لك شي حاجة تسول عليها في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، ومن رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا رد عليك الله ضالته. إذا كيف معمول؟ إذا نضعت في شي حاجة ثمينة نمشي من نوت ونسول عليها؟ لا، بل إذا لقيت شي حاجة نجيبها للمسؤولين. ها هو قيمة المسؤولين. النبي صلى الله عليه وسلم قالش اللي يعرف واحد ضال، لا، المسؤولين عندهم حق يمكروا يقول شكون اللي ضاع له كذا وكذا الى اخره، ولكن انت بفوضى ضده يا عباد الله نسيت كذا ضعت لي كذا. المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى للتوسل. واحد يجي يصلي بعد الصلاه مكان الرحمه، واحد يقول يا اخواني انا مقطع انا كذا انا كذا، وينوض احد المسؤولين حتى يقول له حتى يعني عاوننا حتى هذا المكان يكون فيه نظيف. يجوا بعض الناس يقولوا له لا يا اخي خليه يسعى، كيف خليه يسعى؟ هذا بيت الله يخرج برا. لا يجوز التوسل داخل المسجد، بل انت بالعكس خصك تعاون هذا المسؤول اللي هو يعني يحرص على تطبيق ان يعني ان المسجد يبقى مكان الرحمه. من حرمه المسجد ومن ادب المسجد الامور المهمه هو الحرص على الصف الاول. يا اخواني والله العظيم عجيب كيف المسلمين يزهدون في الصف الاول. تلقى انسان يجي للجمعه وجاي بكري ونزل تحت، اش كتعمل تحت يا اخي؟ اسمع الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الاذان الصف الاول ثم لا يجد الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لو تعرف الفضل في هذا الصف الاول، راه الناس كلهم يتصدقوا عليه، والمسؤولين هنا يحبسونا ويعملوا لنا تيراج وصور. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف تجهل بهذا المكان؟ بل الحبيب صلى الله عليه وسلم مره راى بعض الصحابه يدرج حضور فزجرهم بكلام بليغ شديد، قال: لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. عيالي يا اخواني، رجال او نساء، احرصوا على الصفوف المتقدمه. كذلك في وانا ارى الساعه يعني حتى لا اطيل عليكم اكتفي بهذا القدر. اذا يسر الله عز وجل واصل صلى الله عليه وسلم وفقنا واياكم ومحبه ورضاه، اقول ما تسمعون، واسال الله عز وجل ان يوفقنا للعمل بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الاولى الميامين الى يوم الدين. شيخ غير شيخ سار دونك لا موسكي سي لا ميزون دو الله عز وجل. Si toujours on médite dans cette phrase, on comprend beaucoup de choses, on n'aura pas besoin de beaucoup de paroles. Mais après ça, comme je viens de dire et je vais dire, que le professeur Smil a mis beaucoup de protocoles, beaucoup de choses. Pourquoi? Pour qu'on sort de cette habitude, de cette routine qui fait qu'on vient à la mosquée pour rencontrer les amis et on ne fait pas attention que cette langue, on lui donne, on la sort de son prison et commence à critiquer, commence à dire des choses énormes. Sachez que c'est une règle de Allah sur terre. L'endroit où tu peux gagner plus, tu peux perdre plus. Et parmi ces endroits, c'est les mosquées. Wallahi la ikhwani. J'ai connu des gens qui étaient des problèmes dans les mosquées. Ils n'ont pas fini bien leur vie. Ils étaient tout le temps à la mosquée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas meilleurs en masajid. Ils ont mal fini leur vie. Wallahi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aqal de ce qu'on a vu. Allah Azza wa Jalla a'lam salat, inshallah qu'il leur pardonne. On ne joue pas avec les maisons de Allah Azza wa Jalla. Parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète nous a dit dans les mosquées, nous interdit des choses pour garder ce caractère sacré de la mosquée. Interdiction de vendre, Et là, je ne viens pas à la mosquée pour faire du commerce. On vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui vend quelque chose, dites-lui qu'Allah ne fructifie pas, ne te donne pas de gain dans ce que tu vends. Si vous demandez quelqu'un, même il demande, il a perdu quelque chose dans l'enceinte de la mosquée, puis il se lève et dit, j'ai perdu le téléphone, j'ai perdu ça. Dis-lui qu'Allah ne le rend jamais. Alors comment je vais faire? J'ai perdu quelque chose d'important, j'ai perdu mon téléphone. Il est cher. Je pars et je me dis, non, c'est pas comme ça. Juste que la sérénité doit régner dans la mosquée. Si moi je trouve quelque chose, je la ramène au responsable. Et les responsables, ils ont le droit de dire aux gens, il y a quelque chose, un téléphone qui a été trouvé, etc. Ils sont pas en train de demander quelque chose qu'ils ont perdu, c'est l'inverse qu'ils font, c'est pas interdit, alhamdoulilah. C'est interdit de mendier dans la mosquée, la mendicité dans la mosquée. Viennent des gens, qui finissent la prière, ils se lèvent, commencent à pleurer, moi j'ai pas, etc. Et les gens ont surtout demandé aux gens qui ont 20 ans, 30 ans dans les mosquées. Il y a des gens qui se vont retrouver l'année prochaine avec le même discours. Ou bien que tu vas dans une autre mosquée, tu vas le trouver un an après, il faut 250 euros pour faire son voyage. Et quand il vient quelqu'un des responsables pour lui dire, pour faire régner l'ordre à la mosquée, tu trouves d'autres personnes. Il dit non, laisse-le, t'as pas le droit de lui parler comme ça. Alors, comment ça, il n'a pas le droit? Et ça, c'est une compréhension, voilà, de ce verset. Allah Azzawajal dit wa anna al-masajida lillah. Certes, les mosquées n'appartiennent qu'à Allah. C'est pour cela que je le redis, dire que c'est des mosquées marocaines, algériennes, comoriennes, etc., ça ne se dit pas. Ça ne veut pas dire que les mosquées doivent être en désordre, qu'ils n'ont pas de responsables, ou bien les Marocains et les Turcs, ils n'ont pas le droit de gérer les mosquées. Non, ils ont le droit. Et c'est une affaire très compliquée. D'abord, les aides, ça demande plus de cohérence, ça demande, ils ont tout à fait, ouais, je sais de quoi je parle. Mais la mosquée, c'est la maison de Allah pour tout le monde. Et ces gens-là, si nous savons la responsabilité qu'ils ont devant Allah Azza wa Jalla, Allah va pleurer pour leur situation. On va leur faire dua, on va les aider. Moi, je vous dis avec toute humilité, la première chose quand je viens dans cette mosquée, c'est que tous les frères qui veillent à la mosquée, à la propreté de la mosquée, je commence par eux pour les saluer. Parce qu'ils ont une grande importance. Une femme, il nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il est mort. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, où est cette dame qui nettoyait la mosquée? Il a dit, Rasulallah, il est mort la nuit, on l'a enterré. Il s'est fâché, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on ne l'avait pas dit? Il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa tombe, il a prié sur sa tombe, puis il est parti. Il lui a fait dua. Donc, mes chers frères, les mosquées, c'est les maisons d'Allah. Mais ne comprenez pas mal les choses. Ne dites pas, l'imam, il a dit des choses, il n'a pas dit. Comme par exemple, la mosquée d'Ivry, c'est un centre culturel. La mosquée, c'est là où on prie. On a des prêtres qui vendent des livres à l'extérieur. Ils font quelque chose de noble. Ils nous apportent les choses dont on a besoin. Pas ce qui est interdit, c'est l'intérieur, là où tu pries. Aussi, mes chers frères, mes chers sœurs, parmi ce qui est très important à concevoir dans la mosquée, et je ne sais pas si le temps il nous permet pour le dire en arabe et en français, mais on fait ce point. Donc on a parlé de la mendicité et interdit dans la mosquée. Si vous voyez quelqu'un qui fait de la mendicité à l'intérieur, si c'est quelqu'un, moi je connais les pauvres c'est des gens très très dignes. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin, il ne va pas passer par la fenêtre, il ne va pas passer par la porte. Il va demander les responsables. Les mosquées, ils ont des responsables, et ces responsables, ils sont à respecter, on doit les aider. Les mosquées, croyez, je suis vraiment désolé. Si on connaît l'importance de la mosquée, ce n'est pas des endroits où on vient manifester nos opinions politiques. Et qu'on dit des agressivités, etc. Non, si vous savez c'est quoi la mosquée, Wallah, ne la faites pas. Malheureusement. Il me raconte un frère que les musulmans qui se sont disputés dans une mosquée. Puis après, ils ont appelé la police. La police est venue pour gérer le problème des musulmans à l'intérieur de la mosquée. Ils sont rentrés avec leurs chaussures. dit monsieur, s'il vous plaît, respectez la mosquée et retirez vos chaussures. Il lui a dit monsieur, si vous avez respecté votre mosquée, le lieu de Dieu pour vous, on ne serait pas là. On ne serait pas là si vous respectez votre mosquée. Alors nous, malheureusement, tout le monde veut devenir président, tout le monde veut devenir, tout le monde veut gérer, et c'est Wallah, il faut Wallah. Si vous savez cette responsabilité, ça suffit que le prophète Samson dit que celui qui est responsable de ma communauté, de 10 personnes, il viendra attacher le jour du jugement avant que sa justice ne débatte. Tu vas nous la vouloir? Wallah, il me j'en fais toi. Qu'Allah les aime. Et je les aime. Et je les aime. C'est pour cela, les croyants, vous venez, si vous trouvez vos frères derrière, ils voulaient avancer, écoutez-les. Écoutez-les, les croyants. Il me reste quelques minutes, je vais dire, pour finir. C'était un peu très émotionnel, je le trouve. Mais vous prenez cette. On a rappelé en français en culture, Inch'Allah. Haroun al-Rashid. كان عنده زوجة ويحبها حبا جما اسمها زبيدة مرة تضرب على زوجته وقال لها أنت طالب بالثلاث إن بت الليلة تحت ملكي لا حول ولا قوة عرفت شنو هو ملك هارون الرشيد ما فوقه إلا ملك الله كان يعني ثلاث أرباع الأرض تحت ملكه فين غادي تمشي مسكينة فندم هارون الرشيد وسول فقال له إنه نافذ من تلاميذتي أبا حنيفة ممكن تلقى عنده الحال جاء عنده وسوله قال كل حال مصيب تبيت زوجتك الليلة في المسجد فإن المسجد ليس من ملكك يا أمير المؤمنين ففرح وولاه الإمارة وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله Je tiens à finir avec cette touche ludique, mais qui est en relation avec notre sujet. Il y a une histoire trop belle. Harun al-Rashid, il était un grand gouverneur musulman, vous le connaissez, qui régnait sur pratiquement les trois quarts de terre. C'était immense son royaume. Il avait une femme qui l'aimait beaucoup, et s'appelait Zubayda. Mais un jour, à un coup de tête, ils se sont mis en colère. Il lui a dit, si tu dors aujourd'hui, il a juré, il a dit, si tu dors dans mon royaume aujourd'hui, tu seras divorcé, définitivement. Après, il a regretté, parce qu'il l'aime beaucoup. Comment je vais faire? Il a demandé, et on lui a dit, un des élèves de Abu Hanifa, on pense qu'il peut te trouver une solution. C'est quelqu'un très savant, très intelligent. Et c'est ça les savants. Les savants, ce n'est pas les gens qui disent halal, halal, bid'a sunna. C'est les gens qui accompagnent les gens, qui réfléchissent avec les gens pour leur trouver des solutions à leurs problèmes. Comme il dit Ibn Taymiyyah et autres, ils disent mais halal, halal, tout le monde peut le dire. Ça ne demande pas du savoir pour le dire. Qu'est-ce qu'il a dit, ce disciple d'Abu Hanifa? Il a dit oui, Amir al-Mu'minin, pas une issue, c'est facile. Tu demandes à ton épouse qu'elle dort à la mosquée cette nuit. Et la mosquée ne t'appartient pas. Wa anna al-masajid lillah. T'as les trois quarts de la terre, mais t'as pas les mosquées. Wa anna al-masajid lillah. Fala tad'u ma'a Allah. Il était très content, Harun al-Rashid, de cette intelligence, de ce savant. Et il lui a nommé le grand juge, c'est-à-dire le juge de son royaume. Nasallahu alayhi wa sallam. أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرفون بالمسجد حرمة وممن يقدسون بيوت الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعمرون بيوت الله ومن عمال بيوت الله حقا وصدقا نسأل الله عز وجل أن يجعل مجيئنا وذهابنا إلى بيوت الله عز وجل مغانم كبرى يا رب العالمين نعوذ بالله أن نكون من المفلسين. اللهم يا رب اجعل شمعنا هذا شمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا وارحم موتانا اجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا. ارحمنا بهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف لنا ابداننا واشف لنا قلوبنا واشف لنا ارواحنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع مبتلا الا شافيته وعافيته. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنيه والهدى. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا كريم يا ارحم الراحمين. امين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.